L'actualité à Nancy et ailleurs. Le vendredi 27 mars, à Vendeuvre-lès-Nancy, le CCAM accueille une projection débat autour du film « Ne nous racontez plus d'histoire » consacré aux mémoires de la guerre d'Algérie, un rendez-vous organisé par le collectif Culture et Citoyenneté. Astira Boukaï, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice au sein de l'association RAMSA. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà le collectif Culture et Citoyenneté et l'objectif de cette soirée? L'association RAMSA, qui se trouve à Vendeuvre-lès-Nancy, porte ce projet Culture et Citoyenneté avec un collectif d'associations. C'est un collectif qui a commencé en 2017. En fait, utiliser la culture pour ouvrir le débat autour de certaines questions autour de la citoyenneté. Cette question de la citoyenneté, elle est abordée par plusieurs supports, soit le théâtre, débat, soit une veillée culturelle avec un écrivain autour de son livre, qui a pour objectif justement de travailler sur un thème, que ce soit la citoyenneté et la laïcité, avec une action éducative en direction bien sûr de nos publics, et notamment les jeunes. Et ce sont des questions qu'on travaille en amont avec les jeunes. Donc le collectif se compose de notre association et la MJC Nomade, la MJC Étoile, la PJJ, qui me suit depuis plusieurs années aussi, qui est partenaire dans ce projet. La protection judiciaire de la jeunesse, c'est ça? Voilà, exactement. Et tous les services jeunesse des MJC Étoile et Nomade, voilà. Et donc nous, on porte ce projet depuis plusieurs années avec ce collectif qui était déjà plus large, parce que au démarrage de ce collectif, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup d'associations. Et les collèges aussi. Au départ, c'était travailler sur la radicalisation avec tous les événements qu'on a connus. Et dans le cadre-là, on a fait pas mal de manifestations culturelles pour ouvrir le débat, sensibiliser l'éducation des jeunes et les sensibiliser aussi à ces thématiques-là. Du coup, là, cette année, tous les ans, on a un projet. Donc tous les ans, on a un projet avec plusieurs activités. Cette année, le projet est autour de la transmission de la mémoire, notamment des combattants. En fait, ce qui concerne tout ce qui est les guerres coloniales. Dans un premier temps, on a proposé une pièce de théâtre Les Tirailleurs à la salle des fêtes de Vendeuvre. Et ce projet se compose de cette pièce de théâtre plus cette projection débat qui a pour objectif de parler de la mémoire, pas tellement de la guerre, mais de la mémoire de cette guerre d'Algérie. Et on a fait venir, on va faire venir le réalisateur qui a justement réalisé ce documentaire à partir de deux visions. Sa vision à lui en tant qu'Algérien, réalisateur de ce film, avec son épouse qui portait la mémoire de la guerre d'Algérie, mais le côté fille de Pinois. Donc il y a deux mémoires qui sont en opposition, qui sont lourdes pour la transmission. Et du coup, il s'est posé la question, comment transmettre une mémoire apaisée à leurs enfants et aussi à d'autres générations. Donc, du coup, ils ont réalisé ce documentaire pour ouvrir le débat, pour transcender toutes ces questions-là et en même temps faire un travail éducatif. Donc là, on le propose au collège le même jour, au collège Callot. Donc, on le propose à 14h en présence du réalisateur et le prof d'histoire au collège qui va animer le débat. Et nous, on le propose dans le cadre de tout public et avec la mise à disposition de la salle du centre André Malraux. Et il y aura aussi un débat avec le réalisateur et avec l'historien qui sera là aussi pour approfondir tout ce qui est questions historiques et pour avoir un peu de contenu pour la soirée. Voilà. Et répondre aux questions du public. Ne nous racontez plus d'histoire. Donc c'est le vendredi 27 mars. C'est à 19h30. On peut y aller librement. On peut y aller librement, mais on a privilégier une inscription pour réserver, pour avoir un petit peu, voilà, pour maîtriser, pour juste notre organisation à nous. Hein. Donc, c'est préférable, on va dire, de réserver, parce qu'il y aura une soirée, on va prolonger encore le débat au bar du CCM, autour d'un petit pot qui sera offert au public. C'est possible de réserver pour qu'on puisse organiser cette soirée. Et donc, on peut le faire soit par email, soit par téléphone. On remettra bien sûr toutes les coordonnées, mais sinon, on peut retrouver les infos sur les réseaux de l'association RAMSA. Oui, dans les réseaux de l'association RAMSA. Alors, soit l'Instagram, soit Facebook RAMSA Vendeuvre, soit aussi le CCM, parce qu'ils l'ont mis sur leur site, hein, leur réseau Facebook. Merci beaucoup, Astira Boukaï, pour cette présentation. Merci à vous aussi pour votre écoute et merci d'avoir relayé ces informations. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.